On va y aller avec les matchs c'était les demi-finales de conférence en fin de semaine. On va parler avec notre ami Hugues Fauché. Salut Hugues! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Hugues, je dirais 2 à 3 bons matchs cette semaine. Donc d'abord, on va y aller avec samedi après-midi, les Rams contre la formation des Packers de Green Bay. Écoute, les Rams sont quand même assez bien joués défensivement. Par contre, on a vu que les Packers, c'était une bonne machine de football. Oui, Aaron Rodgers était trop fort, hein, pour les Rams. Par contre, écoute, les Rams se sont quand même défendus là jusqu'à assez tard. C'est pas un mauvais match. Les Rams se Non. sont défendus quand même jusqu'à tard dans le match. Mais puis la température était pas si mauvaise que ça à Non. Green Bay. Donc, ça aurait dû favoriser les Rams qui ont absolument aucune habitude là, de jouer dans ce genre de climat-là. Mais là, le climat n'a pas vraiment été un facteur. Il faisait pas vraiment froid, il s'est pas glacé. Mais c'est juste que c'est vraiment un match où ça s'est joué beaucoup à la position de corps arrière, puis l'attaque au sol aussi des Packers qui a gagné près de 200 verges, je pense. Alors, on n'en parle pas assez, mais les Packers sont une bonne machine aussi à courir avec le ballon. Aaron Jones, hein, Jamal Williams, puis là, il y a le jeune A.J. Dillon qu'on sent qui va être utilisé dans certaines situations. Donc, quand l'équipe veut courir en puissance, là, c'est un gros bonhomme de 250 livres, là, Dillon, qui est quand même rapide. Puis je trouve qu'on parle pas beaucoup de leur ligne à l'attaque, mais ils ont fait un bon travail contre un très bon front défensif des Rams. Mais ils ont dominé le match. C'est vraiment la ligne Aaron Rodgers, puis la ligne à l'attaque des Packers. Puis il y a des gens qui me notaient, Danny, en fin de semaine, est-ce que Jordan Love devrait recevoir une mention pour le joueur le plus utile à son équipe, parce que depuis Il a qu'il a été fouetté Aaron repêché, Rodgers, c'est sûr qu'il a fouetté Aaron Rodgers, c'est sûr. clairement. Puis comme trois des Super Bowls de Tom Brady ont été gagnés après que les Patriots ont repêché Jimmy Garoppolo, qui avait pas fait l'affaire de Brady, même s'il n'avait pas parlé publiquement trop. Puis là, ben c'est un peu le même genre de situation. C'est clair que ça a fouetté Aaron Rodgers, qui connaît peut-être sa meilleure saison en carrière. Alors, encore un gros match de sa part. C'est lui qui a gagné ça. On va en parler, mais j'ai l'impression que ça va être dur, il va être dur à arrêter, surtout que le froid risque d'être un facteur la semaine prochaine. Donc, Oui. quoi que Tom Brady d'habitude jouer dans le froid aussi, sauf que ça, moi je m'attends quand même à une victoire des Packers. Et Oui. donc, samedi soir, ce qui s'est passé également entre Buffalo et les Ravens de Baltimore. Écoute, déception, Lamar Jackson, avant sa commotion cérébrale, ne jouait quand même pas bien. Et Non. ça a été quand même une victoire sans éclat des Bills de Buffalo. Juste pour te dire, je présente mes excuses aux lecteurs du Blitz. J'ai été 3 en 4 pour mes prédictions de la fin de semaine, mais j'avais pris les Ravens contre les Bills. Puis honnêtement, là, Ben, ça aurait pu cette aller d'un bord équipe-là comme de mérite. l'autre. Moi aussi, Oui, j'ai. oui, oui. Avant le match, oui, mais c'était juste pour souligner à quel point ils ont été mauvais, les Ravens, dans ce match-là. Offensivement, là, c'est pathétique. Ils n'ont vraiment rien fait. Écoute, moi, ce qui me ressort beaucoup, c'est comment des fois on porte des jugements rapides sur des joueurs. Moi, le projet Lamar Jackson, j'ai toujours gardé des réserves. Ce type de corps arrière-là dans la NFL, même si je reconnais le talent, Jackson, c'est le meilleur running quarterback que j'ai jamais vu dans ma vie. Il prend des bonnes décisions, il est capable de passer quand même le ballon minimalement. Mais ce qu'on a vu dans ce match-là, Danny, c'est que quand tu l'empêches de courir, comme les Bills ont vraiment fait un bon travail, il y avait un bon plan de match par Leslie Frazier, leur coordonnateur défensif. Puis quand tu empêches Lamar Jackson de courir, il peut pas battre une équipe de la classe des Bills de Buffalo juste avec son bras. On l'a vu, il est pas capable de faire ça. Puis des fois, j'aime ça donner les commentaires de ma blonde, puis les gens aiment ça aussi quand elle écoute le match, là. Ce qu'elle m'a dit, écoute ça, je trouve ça suave. Elle me dit pendant le match, elle dit, écoute, c'est dur de savoir si les Ravens ont du talent en attaque parce qu'il y a juste Lamar Jackson qui touche au ballon. C'est tellement, tu sais, quand t'as un corps qui court en plus, c'est ce qui arrive, c'est que ça enlève des répétitions aux autres joueurs parce que c'est toujours lui qui a le ballon. Puis moi, j'aime pas ce genre d'offensive-là. Pour la NFL, au niveau collégial, ça marche, mais dans la NFL, j'ai toujours gardé mes doutes. c'est quand même un bon corps arrière, tu sais, Lamar Jackson, on s'attend, mais... C'est un corps électrisant quand oui. même. Oui, oui, oui, non, comme, absolument. Ce type de corps arrière-là n'est pas appelé à avoir une longue carrière, tu sais, on l'a vu, là. Non, c'est en ça. En fin de semaine, j'écoutais exact. Le reportage 30 for 30, qui c'est tout très, très bon, ça, c'était oui. sur Michael Vick, et... Michael Vick est pas mal avec Donovan McNabb, les carrières, les premiers qui sont arrivés ce genre de carrière-là. Puis ce qu'on disait à l'époque de Michael oui. Vick, quand il était avec Virginia Tech, ce qu'on disait, c'est que c'était un corps arrière nouveau, puis ainsi de suite. Oui, Michael oui. Vick a eu des démêlés oui. avec la justice, avec l'histoire de oui. chip, ainsi de suite. Sauf que ça reste des carrières limitées. Tu sais, Pat Mahomes, ouais. c'est capable de courir avec le ballon, mais Pat Mahomes, c'est un bois terrible, une vision incroyable. Oui, exact. Et l'histoire l'a dit, hein, Michael Vick n'a pas fait une longue carrière. C'est sûr qu'il y a eu l'histoire des... Mais il n'aurait pas fait une longue carrière pareil. Non, puis mais si tu regardes d'autres corps que tu pourrais mettre, Deshaun Watson... Newton plus... Moi, ma barrière, Danny, c'est quand un corps regarde pour courir avant de regarder pour passer... J'ai de la misère avec son... Tu sais, Deshaun Watson peut courir, mais Deshaun Watson, il essaye de passer le ballon avant de courir. Même chose pour Kyler Murray. C'est des gars qui sont capables de courir, mais c'est... Puis la course fait partie de leur jeu, puis ils en ont besoin, mais c'est quand même plus des passeurs que des coureurs. On les appelle des dual threats, mais c'est plus des passeurs. Mais Lamar Jackson, c'est un gars qui, avant tout, court avec le ballon. Ouais. Là. C'est son jeu. Puis j'ai un petit peu de misère avec le succès à long terme de ce genre de corps arrière-là. Je suis pas persuadé, je suis dans le camp des sceptiques un petit peu plus. Puis ça m'amène, tu sais, même durant la fin de semaine, je regardais ça. Puis, tu sais, on s'entend que c'est le système des Ravens, c'est le système que les Patriots ont essayé de copier cette année avec un corps moins athlétique. Puis on a vu le désastre aussi que ça a donné. Ce genre de système de jeu-là dans la NFL, ça a toujours eu un temps. Plutôt parce limité. Les défensifs, ça s'ajuste. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Les défensifs s'ajustent. Puis c'est, ben, c'est, ce que ouais. les Bills ont fait en fin de semaine, c'est premièrement, t'enlèves la défensive. Oui, t'enlèves la défensive homme à homme. Tu peux pas jouer ça contre Lamar Jackson. Ça prend de la zone, absolument. Puis quand, en périphérie, faut pas que tu l'attaques avec tes secondaires. Ils seront pas assez vite. C'est les demi-défensifs qui doivent venir le stopper parce qu'il y a tellement de vitesse, mais si, là, on a trouvé la formule, c'est ce que les Titans ont fait la semaine passée, ça a fonctionné pendant une partie du match, ils ont manqué de discipline, les Bills sont une meilleure équipe que les Titans, tout le monde a exécuté pendant l'entièreté, puis les Jackson n'avaient pas de corridor de course, alors puis là, ils l'ont forcé à passer le ballon, puis on a vu, il peut pas battre une équipe comme Buffalo avec juste de la passe, donc ça a donné une belle victoire, parce, et puis juste comme ça, s'il fallait que Mahomes, on va en parler après, mais s'il fallait que Pat Mahomes ne joue pas la semaine prochaine ou qu'il soit handicapé, les Bills ont c'est très bonne chance là, de se rendre au Super Bowl. Moi, je pense que même sans Mahomes, je pense qu'ils vont se rendre au Super Bowl. Oui. Ils n'ont pas été impressionnés. Moi, ils m'ont pas impressionné du tout, même avant Mahomes. Je l'ai écrit même sur les médias sociaux. Il va falloir qu'ils jouent mieux que ça. Du coup, on va y en parler maintenant du troisième match. Les Bills contre, pas les Bills, mais Kansas City contre les Browns. Moi, je pense que le match est joué pas mal. Deuxième demi, rappelle-toi, quand les Browns étaient dans la zone payante, on n'a pas réussi à marquer le toucher. Là. Tu te rappelles-tu du jeu que je te parle, là, puis que les Chiefs sont revenus avec 3 points? Là. C'est pas mal là que ça s'est joué. Oui, c'est ce que je voulais te parler, switch de 10 points. Deux moments où le match s'est joué là, puis la mauvaise gestion de la fin du quatrième quart. Mais à ce moment-là, là, c'est Rashard Higgins qui capte un ballon. Il est à l'intérieur, une longue passe. Il est à l'intérieur de la ligne de 3 des Chiefs. Il y a tout avantage à, même à ne pas marquer tout de suite parce que, tu sais, on s'entend que tu ne veux pas redonner le ballon aux Chiefs. Mais il se pose un geste qui, moi, j'ai considéré égoïste, c'est-à-dire qu'il va absolument marquer son toucher, étend les deux bras. Évidemment, arrive ce qui arrive souvent dans ce cas-là, perd le ballon. Le ballon se retrouve dans les... Ben pas souvent, mais parfois, dans ce temps-là. Le ballon se retrouve dans la zone début, touchback, et puis là, les Chiefs. Si, au lieu d'étendre les bras, il fait simplement tomber au sol, ce qu'il aurait dû être... ce qu'il aurait dû faire normalement, là, son jeu était complètement pas... Et ça aurait donné ça aurait simplement donné un ballon à l'intérieur de la ligne de 5, puis je pense que les Browns auraient probablement marqué un toucher à ce moment-là, leur... Leur ligne est excellente, leur attaque au sol fonctionne bien, ils auraient trouvé une façon de marquer un toucher. Ça aurait complètement, parce que là, ça aurait été 16-10 à la demi au lieu d'être 19-3. C'est complètement un autre match. Puis j'ai écrit à ce moment-là, moi, sur le média, que j'ai un peu à la blague, mais que si c'était moi, Richard Higgins n'aurait pas de job le lendemain matin, parce que moi, je considère que c'est un geste. Bill Belichick n'aurait jamais toléré une affaire comme ça d'un de ses joueurs. Là, tu peux pas poser. Il a mal joué la situation de match. Je veux dire qu'il se trouvait, c'est peut-être un peu exagéré, mais tu sais, ça a suscité certains commentaires d'ailleurs, là, mais il aurait pas dû. Ça a coûté cher à son équipe. L'autre point, Danny, je veux juste attirer, il reste 8 minutes. Les Browns perdent par un toucher, il reste 8 minutes, puis c'est Chad Henne qui est dans le match. Pat Mahomes s'est fait sortir, OK? Plutôt que d'aller sur du up tempo puis d'essayer de te donner deux opportunités d'aller marquer le toucher, ils ont pris presque 4 minutes juste pour gagner un ou deux premiers jeux dans leur propre territoire. Ils voulaient aller marquer le toucher sur la dernière drive et pas laisser de temps aux Chiefs, mais c'était pas la bonne décision stratégique à prendre à ce moment-là. Ils auraient dû essayer, au contraire, de dire si ça fonctionne pas, on va se redonner, tu sais, un revirement, un mauvais jeu. Tu te donnes une deuxième chance parce que tu sais que de l'autre côté, c'est Chad Henne, le carrière. T'as pas peur de l'attaque des Chiefs à ce moment-là du match. Et ils ont mal géré ça. Finalement, ils n'ont pas réussi à les marquer de toucher, puis ils ont jamais été capables de récupérer le ballon. Mmh. Alors ça, c'était un manque d'expérience aussi de leur entraîneur, Kevin Stefanski, qui a connu une grosse année, mais tu sais, il aurait dû s'ajuster au fait que c'était plus Mahomes, le corps arrière. Et ensuite, l'autre point où je veux te faire valoir dans ce match-là, on parle des corps arrière mobiles, tu as mentionné le nom de Mahomes qui peut courir. On peut-tu s'entendre que tu as un demi-milliard de dollars d'investi dans ce corps-là? Ah ouais. Sur un 4-1, c'est ça, tu fais un run option où il peut garder le ballon ou il se fait frapper. Je rappellerai à tous les auditeurs qui nous écoutent là, que le corps arrière, quand il court, il est plus protégé. C'est un joueur comme les autres. Alors, le plaqué était légal. Tu as le droit de t'écraser avec ton poids. Puis, hey, commotion cérébrale, ça peut avoir des répercussions à long terme. Regarde, fais plus courir Pat Mahomes sur des courses planifiées à ce moment-ci de sa carrière. C'était un choix de jeu qui était très mal choisi de la part du coach. Puis entièrement d'accord. Faut que tu protèges ton investissement. Écoute, 50 millions de dollars par année, tu sais que les commotions cérébrales, c'est important. Oui. Et que donc, c'est important de bien protéger son investissement là-dessus. Ben oui, puis tu mènes, à ce moment-là, en plus, c'est 19 à 10. Donc, tu mènes par 9 points, c'est un 4e et 1. Tu sais, à la limite, un botté de dégagement n'aurait pas coûté cher au Chiefs. Tu n'avais aucun besoin de faire ce jeu-là à ce moment-là du match. Le match n'était pas sur la ligne. Tu as un investissement incroyable dans ce gars-là. C'était ça aussi, tu sais, il y a des drôles de décisions, il y a des drôles de choses qui se passent cette année. C'est peut-être toute la situation de la COVID. On a moins de temps pour se préparer, peut-être, ou de la préparation plus difficile, arrivé, mais... La situation, c'est peut-être... On oublie vite parfois, là. Dans certaines situations. Oui. Je reviens toujours à Pete Carroll qui dit qu'il a donné le ballon à Marshall Lynch. Il n'a pas donné le ballon à Marshall Lynch, c'est la plus évidente. Là. On n'était pas dans la situation de COVID. Non, oui, oui, effectivement. Les erreurs, ça arrive, absolument. Oui. Ça arrive, ça fait partie. C'est ce qui rend le jeu intéressant. Mais ça, faire courir Mahomes sur ce jeu-là, là, c'était tellement pas... C'est facile à dire après. C'est ça que je partais pour dire, justement. C'est facile à dire après. Mais honnêtement, là, oui. Mais autant au niveau de ce que... Moi, quand je te dis quelque chose, souvent, c'est que je le sais. C'est ce que moi, j'aurais fait pendant le match. Sinon, on se garde une réserve. Mais moi, à chaque fois que je vois Mahomes courir sur une course planifiée, quand c'est sa décision, c'est une chose, mais quand c'est une course planifiée, je me dis toujours, sérieusement, tu prends ce risque-là avec ce joueur-là, j'ai toujours un peu de misère. Donc, je pense que là, Andy Reid va devoir réaliser que tu peux pas, il faut que tu protèges ton investissement. Quand il est dans la pochette, il est protégé. Les gars peuvent pas se laisser tomber avec leur poids sur lui, ils peuvent pas le plaquer trop durement, mais quand tu le fais courir, ben à ce moment-là, il devient un joueur comme les autres, et puis il peut se faire blesser gravement, puis c'est ce qui est arrivé. Ouais. Effectivement. On va y aller maintenant avec le dernier match hier. Écoute, c'était le dernier match entre Drew Brees et Tom Brady. Drew Brees qui va simplement annoncer sa retraite. Tu crois ça, toi aussi, à Danny qui va annoncer sa retraite? Il y a eu du coulage là-dessus. On a vu que le gars n'a plus de bras. On a vu que le gars est. Tu sais, il n'y a plus de bras, là, Drew Brees. Ça paraît aussi. Donc, moi, je me dis, gars, contrairement à Tom Brady, qui est un surhomme, je pense que, que Brees va annoncer sa retraite. Et qu'est-ce que tu vas. Là, avant, on va parler du match. Je pense que la défensive des Buccaneers a bien contré Brees dans le match. Oui, écoute, c'est clairement la défensive des Bucs qui a gagné ce match-là, mais Brady a fait ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire que quand tu lui donnes un terrain court avec un revirement, lui, ça se transforme en toucher quasiment à chaque fois. Même quand il joue pas un si grand match que ça, comme hier, là, mais il a profité de toutes les opportunités que les Saints lui ont données, que sa défensive lui a donné, mais écoute, moi, il y a eu Antoine Winfield qui a joué un match, un autre excellent match. Moi, c'est le gars que je voulais, ça, comme demi de sûreté avec les Patriots. Mais j'adore Antoine Winfield. Mais, tu sais, Kyle Duggar, quand même, connu de bonne saison. Là, on n'a rien à reprocher au kid. Mais j'étais déçu, moi, que ce soit pas Winfield qui repêche. Et puis, Devin White, le jeune secondaire intérieur. Tu sais, ils ont des bons joueurs sur leur défensive. Les Buccaneers, puis hier, ça a été un gros jeu après l'autre, là, quatre virements en tout. Alors, ils ont gagné le match. C'est la défensive des Buccaneers. Il y a au moins deux touchés des Bucs qui ont été marqués suite au revirement de leur défensive qui est placé quasiment dans le red zone en partant. Là. Ouais. Donc, vraiment un gros match défensivement. Là. Donc, gros, Drew Brees gros va performance. Simplement annoncer sa retraite. C'est quoi que tu retiens de la carrière de Drew Brees? Moi, écoute, une belle carrière, c'est une grande carrière. Oui. Par contre, je regarde ses statistiques en match éliminatoire, il y a moins de 5 ans. Oui, c'est effectivement... Oui, tout à fait. Non, absolument. Oui, on n'aura pas le choix de retenir ça. Moi, je retiens beaucoup, par exemple, un très grand carrière qui peut-être pas... Il a déjà eu, pendant une partie de sa carrière, des défensives affreuses. Ouais. Il ne faut pas l'oublier. Il n'a pas toujours été si bien encadré que ça. On a l'impression que le management a tout fait pour lui donner une bonne ligne à l'attaque. Il a toujours eu des bonnes lignes à l'attaque. Puis de bonnes armes offensives autour de lui, mais souvent on n'a pas investi dans la défense. Malheureusement, là je te dirais qu'en fin de carrière, on lui a donné de meilleures défenses et il y avait peut-être plus ce qu'il fallait pour amener l'équipe jusqu'au bout. On oublie à cause de Brady que jouer au football à 41 ans, c'est quelque chose. Moi je me rappelle plus d'avoir vu ça, là. Je me rappelle plus, tu sais, Peyton Manning avait 40 ans, il performait comme Brady, c'est là que je te dis que c'est un extraterrestre. J'ai toujours mis des doutes sur Tom Brady à Tampa Bay parce que je me disais, le carrière passé 43 ans, passé 40 ans tout court, c'est exceptionnel. Oui. Puis, Brady est en train de tout battre, là. Il est même en train de battre Warren Moon. Le carrière qui avait le plus de statistiques après à passer 40 ans, c'était Warren Moon, puis il est en train de tout passer ça, là. Ah non, c'est clair. Écoute, lui, là, Brady, c'est que l'impression que j'avais en les regardant les deux hier, c'est que Drew Brees, c'est un gars qui a pris énormément soin de lui-même. C'est pour ça qu'il a joué jusqu'à 41 ans, mais pas autant que Brady l'a fait. Il se faisait pas frapper pour rien. Non, puis absolument, puis tu sais, son régime alimentaire, c'est qu'il faut manger de la crème glacée à l'avocat, comme il fait pour durer aussi longtemps, c'est sûr qu'il y a bien... Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il sait. Tu sais, il y a des gens qui aiment Brady, il y a des gens qui l'aiment pas. Il y a beaucoup qui l'aiment pas, mais il faut que tu respectes son total dévouement à son sport. Il y a personne que je connais qui est plus dévoué à sa job que Tom Brady est dévoué au football. C'est incroyable. Alors, tous les sacrifices, il se les impose. Il va faire tout ce qu'il faut pour gagner. Brees aussi, mais pas autant. Il s'est pas imposé autant de sacrifices que probablement que Brady l'a fait, puis ça paraît parce que effectivement son bras est plus adéquat, il est plus capable. J'espère qu'il va prendre sa retraite. Il est plus capable. Là. Il est rendu au bout. Puis ce que j'ai appris pendant le match, je veux juste te dire, ils ont mentionné ça durant le reportage. Moi, ça m'avait échappé. Là. Je sais pas si quelqu'un dans si toi ou quelqu'un en a entendu parler, mais. Apparemment, le premier choix de Brady, c'était la Nouvelle-Orléans durant la saison morte. Ah, OK. On n'a jamais entendu fou, parler hein? de ça. On a entendu parler Jamais. de Los Angeles. On avait entendu parler Ouais. de Tampa. Mais jamais des Ouais. Saints, parce Ouais. que il y avait parce que Breeze considérait la retraite, et quand Breeze a décidé finalement non, je reviens, Brady s'est tourné vers les Buccaneers. C'est fou, hein? C'est ce qu'on a mentionné, je pense que c'est Aikman qui a dit ça pendant leur. J'avais jamais entendu parler de Non, ça. effectivement. Alors, Parce que il c'était a Los failli Angeles, c'était sortir. rouge, Los Angeles. Les Chargers ont pensé que Philip Rivers allait se retirer, rappelle-toi. Donc, pas se retirer, mais allait partir. Donc, on voyait beaucoup. Et on voyait pas Tom Brady dans la conférence américaine aussi. Donc, faut le dire Non, aussi. exactement. Mais vraiment, celle-là, parce que une fois mentionné, Brady avec les Buccaneers, avec les Saints, ça aurait été un très bon fit pour Ouais. Tom Brady de se retrouver là. Ça aurait été parfait. Puis peut-être même encore mieux qu'avec les Buccaneers. Puis finalement, ben c'est ça, Breeze a décidé qu'il revenait au moins une dernière saison. Mais ça fait ressortir aussi que Breeze considérait déjà la retraite avant cette année. Ça, je le crois, là. Puis donc, là, je pense qu'effectivement, là, écoute, moi, ce que je vais retenir de Breeze, honnêtement, moi, c'est sa classe. C'est que c'est tellement un athlète qui a fait honneur à son sport. Tu sais, je veux dire, il y a eu des mauvaises équipes, mais il n'a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Il a toujours joué du mieux qu'il pouvait. Il a battu peut-être un des joueurs les plus sous-estimés que j'ai vu. Écoute, il y a à peu près tous les records de passes. Il y en a plusieurs. Là. Brady est en train de dépasser, mais puis on n'en parlait presque pas. Avant qu'il batte les records, personne considérait Breeze comme un des cinq ou six meilleurs de Non. l'histoire. Pourtant, c'est clair qu'il Ben, il a l'est. joué à San Diego, il a joué à Nouvelle-Orléans, fait qu'il a joué, il a joué dans des petits marchés. Oui, Il a jamais joué absolument, t'as raison. et donc il a dit, tu sais, rappelle-toi, il devait aller jouer à Miami puis les Dolphins de mon ami Tony Guzzo, il avait une histoire d'examen médical qui savait, il avait pas passé et Ils l'ont pas pris. ils l'ont pas pris puis ils doivent le Non, regretter aujourd'hui encore une fois. ils ont pris Dante Culpepper à la Ouais, place. effectivement. Puis on s'entend. Mais Breeze s'est retrouvé au bon endroit en Nouvelle-Orléans après à la réouverture finalement de la Nouvelle-Orléans. Avec Ça, je vais toujours me rappeler après le Katrina. Katrina. Ouais, Je vais effectivement. toujours me rappeler de ça aussi. Mais pour moi, Breeze, c'est probablement l'athlète que j'ai vu qui était le plus en dessous du radar. Un grand joueur, mais dont personne parle pendant une bonne partie de sa carrière, là. Pour moi, ça va être le visage de Drew Brees. Puis moi, ça fait en sorte que j'ai toujours beaucoup aimé ce gars-là. Et puis, parce il est pas flashy, tu sais, c'est pas quelqu'un. Il me semble que, tu sais, c'est quelqu'un qui aurait mérité avoir plus de publicité. Puis, tu sais, honnêtement, ça va faire mal qu'il soit plus dans la NFL, là. C'est un gros morceau. Peyton est parti il y a quelques années. Dans mon cas, comme partisan des Patriots, c'était l'adversaire que j'aimais détester, tu sais. Mais quand il est parti, ça a laissé un gros vide. Puis ça va être la même chose pour Drew Brees. Tu sais, ça va faire drôle de plus voir ce gars-là les dimanches dans la NFL. Ça va faire un Ben, tu vas gros le voir vide encore pour. parce qu'il y a des rumeurs à l'envoi comme analyste à la télévision américaine. Donc, Hey, t'as raison, effectivement, tu vas le voir effectivement. encore, tu vas le voir plus jamais, tu vas même l'entendre. Fait que Puis écoute, je pense qu'il va être bon dans ce rôle-là. Hugues, un gros merci. On s'en reparle lundi prochain pour analyser les finales de conférence. Merci. Notre ami Hugues Fauché, Bonne site semaine. internet, le bit, c'est NFL.